Le 15e Festival international de cinéma de Pyongyang, ouvert le 16 dernier, se déroule en grande pompe tous les jours. On y projette les récents films de divers pays et ceux qui ont été primés dans divers festivals internationaux. Le cinéma international de Pyongyang, le cinéma de Taedongmun, le cinéma de Kaesong et autres cinémas de la ville sont animés par les spectateurs.